France Inter. Blockbuster Frédéric Sigrist. Ce matin, Frédéric, vous savez me parler, vous, puisque vous voulez évoquer Creed 3, la franchise dérivée de la saga Rocky. Oui, et c'est aussi le premier épisode où Rocky, Sylvester Stallone, n'apparaît pas, suite aux différends juridiques qui opposent ce dernier au producteur disparu Irvin Winkler et ses ayants droit. En gros, Stallone a beau avoir créé les personnages en 1976, Rocky Balboa, Adrien, le beau-frère Polly, l'entraîneur Mickey et le cultissime Apollo Creed, il a beau avoir écrit le scénario de quasiment tous les épisodes et avoir joué dedans, il n'est pas propriétaire des droits de l'univers qu'il a intégralement créé. Alors avant d'aller plus loin, Laetitia, je dois vous dire que je ne suis pas neutre dans ce débat d'un Rocky sans Rocky, car j'ai versé plus de larmes devant la saga du boxeur italien que devant n'importe quel film ever. Moi, quand je vois Stallone avec sa gueule cassée, qui traîne sa démarche un peu pâteau dans les ruelles de Philadelphie, sur le thème de Bill Conti, cherchant à dire à Adrienne, timide vendeuse dans une animalerie, qu'elle est la plus belle femme qu'il a jamais vue, ça me met dans un état. Et puis, c'est pas des petites larmes. C'est un mélange entre une rhinite et des gaz lacrymaux pendant une manif. Mon visage n'a plus aucune espèce de dignité. Vous me mettez devant un marathon Rocky, je vous résous la sécheresse à laquelle les paysans français font face en ce moment. Je ne suis ni catholique, ni juif, ni musulman, je suis rockiste. On vous sent tellement nostalgique sur ce coup-là, Frédéric. Oui, mais je voulais accorder à Creed 3 le bénéfice du doute. J'adore Michael B. Jordan, l'acteur qui joue Adonis, le fils d'Apollo Creed. J'avais aimé le premier Creed de Ryan Coogler, qui faisait de Rocky cette figure de vieux sage prolétaire, une sorte de mélange entre un film de Ken Loach et Christophe André qui serait allé à la salle. Même le moins bon Creed 2, où Adonis s'opposait au fils de Draco, le terrible boxeur russe de Rocky IV, m'avait cueilli dans ses scènes intimistes où Adonis découvre le handicap de son nouveau-né. Concerné par le sujet, les paroles de soutien de Rocky m'avaient fait autant de bien à moi qu'à Adonis. Mais me disais-je peut-être qu'après autant de films avec Rocky, il était normal qu'Adonis Creed vole de ses propres ailes. Après s'être approprié le nom de son père, Apollo Creed, il était peut-être normal qu'il s'approprie la franchise de son père spirituel, Rocky Balboa. Le problème, c'est que dans ce film réalisé par Michael B. Jordan lui-même, avec des effets de mise en scène intéressants qui démontrent l'amour que ce dernier a pour les animés japonais, on a droit à une histoire, mais qu'on a déjà vue dans Rocky 3. On voit apparaître le personnage de Damian, un ami d'enfance d'Adonis, joué par le charismatique et très très très intense Jonathan Majors. Alors lui, quand il est à l'écran et qu'il prend un café, dans ses yeux, tu vois combien le paysan colombien a été payé pour ramasser son grain de café. Il ajoute un sucre, il te joue le diabète qui se développe. Il est intense, hein. Il joue un boxeur prometteur, issu des quartiers, qui a passé 18 années de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et à sa sortie, il estime à juste titre qu'Adonis s'est approprié son rêve et la vie qui va avec. Et c'est bien là tout le problème de Creed 3. Parce qu'en trois films, Michael B. Jordan, tel le coucou qui s'installe dans le nid des autres, campe un personnage qui finalement squatte en permanence le rêve de ceux qui l'entourent ou qui l'ont précédé. Apollo Creed, Rocky et désormais Damian, qui est le vrai héros de Creed 3. Et j'ai personnellement beaucoup de mal à m'attacher à un fils d'eux, beau gosse, pété de thunes, qui contemple Los Angeles du haut de sa villa luxuriante, marié à une star de la chanson incarnée par Tessa Thompson, film qui finalement ne consacre que la réussite et les signes extérieurs de richesse qui vont avec, là où Rocky 3 les remettait en question. Voir Rocky, septuagénaire, faire l'inventaire de son restaurant avec des mitaines sous le ciel gris et hivernal de Philadelphie reste plus inspirant que tout le bling-bling de Creed. Michael B. Jordan a appris beaucoup de Rocky, sauf une chose, on crée des grandes sagas, non pas avec des winners incontestés, mais avec des perdants magnifiques. Merci Frédéric Sigrist pour ce blockbuster.